Y'a toutes jolies couleurs sec vive. Les transpire la rosée, Zantimadan. Mon accueil à le grand matin brûlé. Et dans mon post-panier, à lui-même va choisir. Magritte sans azaler. Après moi va partir. Fourmis un monde brûlé. Pour que ma nana plante frère. Chaque madame y vendra pas cher. Malgré les blancs, les frais, mon bon monsieur. Pour ce que lui va ranger bien votre salon. Pour bien prendre des allées, anti-madame. Ça a un petit bouquet de joie dans votre maison. Panier si la tête mi chante, achète les bons marchés. Pas besoin de prendre à nous pour Becker, téléphonique. Descendre où ça fait chaud.